Clémentine est rentrée chez elle aujourd'hui, non sans avoir pris le temps de me gifler. Clémentine, je crois, est l'amour de ma vie, mon sirop de fraise, ma bouteille de lait. Une fille qui me fascine, un amour qui s'agglutine, c'est Clémentine. Elle m'a tout pris, même le shampoing. Elle m'a juste laissé son string comme pour me narguer. Elle a claqué la porte ce matin, mais j'étais pas du bon côté. Une fille qui me fascine, un amour qui s'agglutine, c'est Clémentine. Je peux vivre rien qu'en voyant des films et en me confectionnant toute une collection de Gainsbourg. Oui, mais hélas, la vie n'est pas un film. Il n'y a pas de vie quand il n'y a pas d'amour. Le vent froid dehors me terrorise, ta profonde gorge, je la pleure tous les soirs. Je donnerai tout pour te faire la bise, ou bien pour te vendre à des noirs. Une fille qui me fascine, un amour qui s'agglutine, c'est Clémentine.